Édition de juin 2013. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des Éditions de l'Avenir. Christian Martin au microphone. Ouvrons immédiatement l'émission avec l'anecdote humoristique d'Aristide Filiatro. Tirée de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les Éditions de l'Avenir présentent Garibaldi. N'est-il pas vrai, père Patnaud, que dans votre temps, vous étiez le meilleur tireur de Saint-Rémy? Oui, monsieur, c'est vrai. Vous êtes allé à Rome dans le but de tuer Garibaldi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre séjour à Rome, parmi les zouaves? Ils me tuaient, j'en tuais, on se tuait. Et Garibaldi? Il s'est sauvé, le crapaud. J'ai pas pu le rejoindre. Vous aurez noté qu'Aristide Filiatro, dans son anecdote humoristique, mentionne Garibaldi. Mais qui était ce Garibaldi? Voici ce qu'en dit Wikipédia. Giuseppe Garibaldi, né Joseph Garibaldi le 4 juillet 1807 à Nice, Empire français, est mort à Caprera, royaume d'Italie, le 2 juin 1882, est un général, homme politique et patriote italien. Il est considéré avec Camillo Cavour, Victor Emmanuel II et Giuseppe Mazzini comme l'un des pères de la patrie italienne. Garibaldi est un personnage fondamental du Risorgimento italien pour avoir personnellement conduit et combattu dans un grand nombre de campagnes militaires qui ont permis la constitution de l'Italie unifiée. Il a essayé, le plus souvent, d'agir sous l'investiture d'un pouvoir légitime, ce qui ne fait pas de lui à proprement parler un révolutionnaire. Il est nommé général par le gouvernement provisoire de Milan en 1848, général de la République romaine de 1849 par le ministre de la guerre, et c'est au nom et avec l'accord de Victor Emmanuel II qu'il intervient lors de l'expédition des Mille. Il est surnommé le « héros des deux mondes » en raison des entreprises militaires qu'il a réalisées aussi bien en Amérique du Sud qu'en Europe, ce qui lui a valu une notoriété considérable aussi bien en Italie qu'à l'étranger. Celle-ci est due à la couverture médiatique internationale exceptionnelle dont il a bénéficié pour l'époque et qui a relaté, parfois avec romantisme, son épopée. Les plus grands intellectuels, notamment français, Victor Hugo, Alexandre Dumas, George Sand, lui ont montré leur admiration. Le Royaume-Uni et les États-Unis lui ont été d'une grande aide, lui proposant, dans les circonstances difficiles, leur soutien financier et militaire. Républicain convaincu, il met entre parenthèses ses idées, reconnaissant l'autorité monarchique de Charles Albert et Victor Emmanuel II, les fédérateurs de l'action unitaire. Il s'oppose en cela à Mazzini, bien qu'il ait été un de ses adeptes au début de sa vie politique. L'expédition des Mille sera l'élément culminant de son action. Il conquiert le sud de la péninsule, qui remet à Victor Emmanuel II, le faisant roi d'Italie. Ses derniers combats, destinés à intégrer Rome dans le royaume d'Italie, sont des échecs. La monarchie confiera à d'autres le soin de conquérir Rome. Passons voir ce que Jean-Seb a dégoté sur le web. À toi, Jean-Seb. Merci, Christian. Ici Jean-Seb, et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des Éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec vous l'exploration de l'univers québécois de la balado-diffusion. La dernière fois, nous avons survolé ensemble le Québec en balado-diffusion, le stream, trois bières, ainsi que l'épée légendaire. Est-ce que vous avez tendu l'oreille? Vous les connaissiez peut-être déjà? Eh bien, j'en ai encore tout plein d'autres pour vous. Pour cette capsule, je vous présenterai donc brièvement, pas de problème, Radio Talbot, le 7e Antiquaire, ainsi que Mac Québec. Ainsi donc, pas de problème, qui sont tout de même rendus à 165 épisodes. Leur motivation première est de devenir le podcast numéro 1 de la francophonie, rien de moins. Leur description officielle est la suivante. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Et Frédéric Barbouchy reçoit Antoine Vézina, Mathieu Bouillon, Martin Boily, accompagné ou pas d'invités. Ils brainstorment dans le but de trouver plusieurs solutions à un problème proposé par le public. Donc, chacun de vous. À l'origine, ce podcast était enregistré à huis clos, mais depuis peu, les enregistrements ont lieu tous les deuxièmes mardis de chaque mois au bar Les Passages à 20h et ils sont très comiques, c'est très divertissant. Le genre de questions auxquelles ils vont répondre, ça peut être comment réussir le crime parfait, comment bien se vendre en entrevue pour un emploi, comment dire non aux gens qui nous sollicitent pour donner, mais sans filer cheap. Bref, depuis 165 épisodes, je vous jure qu'ils en ont trouvé des solutions, des plus comiques aux plus sérieuses. J'ai sorti quelques commentaires tirés depuis iTunes. Alors on dit que j'ai soumis un problème à pas de problème et on a produit une balado-diffusion sur mesure pour moi. Solution cocasse, déjantée, pertinente, tout ça dans le même clip audio. Faute de solution viable pour le résoudre, vous vous marrerez un bon coup. Une autre personne a laissé comme commentaire « Après avoir torturé un bas et accroché en haut de ma sécheuse, j'ai maintenant un bas de moins. Merci, pas de problème. Pas de problème reste un indéfectible moyen pour vous bidonner et dilater votre rate comme jamais. » Je vous en fais écouter un petit extrait. Une autre idée serait peut-être d'entretenir une haleine exécrable, tu sais, pour vraiment écœurer la vendeuse dès que tu rentres dans le magasin. Pourquoi s'en tenir à la haleine? Oui. Hein? Pourquoi pas être crotté? Simuler un syndrome de la Tourette. Oui, aussi. Tu sais, ça peut être un peu stressant. Oui, c'est ça. Très OK, bon. C'est beau, je vais vous laisser regarder, monsieur. Nous passons maintenant à Radio Talbot. Denis Talbot, de son petit nom, a réalisé actuellement 251 épisodes de ce podcast. Il est à noter que Denis Talbot est l'animateur de Monsieur Net, une émission de télévision québécoise diffusée en direct sur les ondes de Musique Plus, une chaîne de télévision dédiée aux vidéos musicaux. Il fait cette émission depuis 1998. L'émission a comme sujet l'informatique et plus précisément les jeux vidéo, les logiciels, les gadgets se reliant au monde de l'informatique. Ils sont critiqués par l'animateur et plusieurs chroniqueurs. Denis Talbot a critiqué pas moins de 400 jeux en ondes et il a 23 ans d'ancienneté sur la chaîne de Musique Plus. Et depuis le mois de novembre 2005, il diffuse cette balado-diffusion appelée Radio Talbot chaque lundi avec plusieurs collaborateurs, dont Yann Richard, François, Frank de Tank, connu par plusieurs, Lapierre Messier et Benoît, aussi connu sous le nom de Ben Deman, Gagnon. Cette émission traite des mêmes sujets que son émission télévisuelle. L'émission est écoutée ou téléchargée en balado par plus de 21 000 auditeurs dans le monde. Donc c'est l'un de nos grands podcasteurs québécois qui a fait sa marque depuis plusieurs années. Commentaire que j'ai tiré depuis iTunes, on y dit « Je connais Monsieur Net depuis longtemps et je viens de découvrir ce podcast. Très cool, j'aime le côté plus relax et approfondi des sujets. On se croirait presque à table avec une gang de chums. » Encore une fois ici, un petit échantillon. Il y a du beau stock, c'est interactif, c'est ça qui est le fun, tu ne peux pas juste regarder. T'sais, souvent, tu vas dans les musées, c'est le fun de regarder des toiles et des trucs que tu ne peux pas toucher, mais là, tu as les mains, tu peux jouer, tu peux écouter, ouais. c'est le fun. Parce que ça a été vraiment triste, un musée de jeux vidéo où tu as juste des télés qui jouent des vidéos en loop. Nous passons immédiatement ici au podcast Le 7e Antiquaire. Ils sont rendus à l'épisode 247. En compagnie de Francis Ouellette et Jean-Michel Berthiaume, qui fait l'analyse et la décortication une heure par semaine de grands classiques de films cultes, de longs métrages complètement oubliés ou inconnus. Il ne s'impose qu'une seule règle, les films sont vieux de plus de 20 ans. C'est un rituel occulte fait dans l'extase et la révérence. En passant, c'est une émission qui passe en direct à la radio le jeudi à 17h30. Choc FM, c'est une radio étudiante de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Le synopsis de ce podcast, c'est deux vieux potes qui parlaient ensemble de cinéma dans leur salon en se prenant pour des philosophes et qui le font maintenant pour vous à la radio. En tendant vers l'occultisme, l'extase et pourquoi pas la transcendance. Personnellement, j'ai découvert ce podcast suite à une suggestion de Maxime de l'Épée légendaire. J'étais très sceptique vis-à-vis cette émission. Écouter deux gars parler de vieux films datant de 20 ans et plus, ça m'attirait pas. Ils sont fantastiques. C'est vraiment incroyable. Ces gars-là ont une connaissance à peu près illimitée de tout ce qui s'est fait au cinéma et on sent que ce n'est pas que le travail de recherchiste, ils sont tous les deux, ils connaissent le domaine comme personne, les noms des acteurs, leurs noms de rôle, c'est très agréable à écouter. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Donc, c'est une petite émission qui dure 60 minutes à chaque semaine. Et je remercie Maxime pour cette fantastique découverte. Je me suis écouté plusieurs épisodes. Dans l'une des dernières émissions que j'ai écoutées, il disait que le podcast roulait depuis 7 ans. C'est phénoménal. Et c'est une niche, c'est un milieu. Ça justifie vraiment les abonnements à certaines chaînes de télévision où ils passent des vieux films. Et ça nous donne parfois le goût d'aller relouer certains films. Et parfois, ils peuvent justifier pourquoi on les a pas écoutés et pourquoi on n'en a pas entendu parler. Je vous en fais écouter un petit bout pour pouvoir entendre le ton. Ça va de par exemple, de plans qui sont passés à l'histoire, qui sont classiques comme « Regarde la ligne de vilain sur la montagne en haut qui s'en vient ». Un des premiers films à avoir montré ça. Ouais. Le film à la base, Kurosawa voulait faire un film sur une journée très banale dans la vie d'un samouraï qui doit tuer quelqu'un pour sauver la face puis conserver son honneur. Notre dernier pour aujourd'hui, Mac Québec, une autre sommité, une tonne de briques côté des podcasts. En ce qui concerne le nombre d'épisodes, je n'ai pas pu trouver la réponse. Il y en a trop pour ce podcast. C'est animé par Alexis Cornelier, Jean-François Roy et Vincent Miller. Le podcast Mac Québec est une émission dédiée à tout ce qui touche, bien sûr, Apple et ses produits et services. C'est enregistré à toutes les 2 semaines. Un second podcast en parallèle avec Mac Québec, c'est celui de Amateurs de Mac Bonsoir, où les auditeurs, vous encore, êtes invités à poser vos questions, soumettre vos commentaires, et ils vont trouver des solutions. Vous pouvez poser des questions via Twitter, soit via leur page web, et ils vont vous répondre en direct. C'est très interactif. Ces gars-là connaissent le Mac depuis les tout débuts. En fait, Mac Québec a été créé en 2005 et c'est devenu avec le temps une grande communauté d'utilisateurs de produits Apple au Québec. C'est à la fois un site web, 2 plateformes d'entraide, 1 infolettre, 2 podcasts et un site de petites annonces. Une forte présence sur les médias sociaux. C'est aussi 25 200 visiteurs uniques, qui totalise plus de 80 000 pages vues par mois. Alors, si vous êtes mordu d'un Mac, ces gars-là en mangent matin, midi, soir. Ils ont une business dédiée à ça, comme vous pouvez le voir. Ils prennent leur temps pour répondre à vos questions. Ils prennent le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont testé. Et ils sont, entre autres, axés sur le Québec.

qui constituait le lieu de convergence de trois bandes transporteuses servant à acheminer les pièces de rechange, immobilisées par suite de la coupure générale d'énergie. Heureusement pour les Terraniens et leur chef, à cet endroit, le plafond s'élevait en formant un dôme dont le sommet culminait à 2 mètres environ, ce qui était encore bien bas pour la taille de l'étrusien, mais lui laissait quand même une meilleure liberté de mouvement. « Vu l'arrondi du plafond, il va y avoir 2 ouvertures à découper. » remarqua Ruth Blackbear. « On va déjà s'occuper de celle-ci. » rétorqua Melbar, tout en se mettant à genoux et en braquant sur la surface sphérique son radiant dont il avait réglé le flux en un pinceau étroit. Le doigt sur la détente, il commença à décrire un vaste cercle. Le métal se mit à rougir avant de devenir blanc et de laisser perler des gouttes brûlantes qui obligèrent ses 4 compagnons à reculer pour éviter leur projection. « Heureusement que les structures intérieures du vaisseau ne sont pas interconnectées. » Le colonel de l'ONU acheva son cercle et attrapa habilement la calotte qu'il venait de détacher. Il la déposa au sol et se redressa avec un soupir de soulagement. Il pouvait à nouveau se tenir debout, le plancher de l'étage supérieur se trouvant à 1 bon mètre au-dessus du trou qu'il venait de creuser. « C'est maintenant qu'on va savoir si mon intuition était bonne. » extirpa une sorte de stéthoscope d'une des poches de sa combinaison, et glissa l'embout dans son oreille et promena lentement le disque sensible sur la paroi de métal au-dessus de sa tête. Au bout d'un instant, un rire silencieux éclaira son visage. « Je crois que c'est bon. Les seuls bruits audibles semblent provenir de l'entrée du couloir qui donne accès à la centrale de commandement. »« Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» s'informa le Cherokee. « Je vais envoyer le signal à nos hommes, et quand nos amis au-dessus de nos têtes seront bien occupés, je découperai une ouverture et je vous propulserai dans le couloir. Puis je vous rejoindrai et nous pourrons nous intéresser à Lugarn et sa clique. » L'étrusien porta Dominicum à ses lèvres. « Attention, tout le monde est-il en place ?» Il attendit des réponses et reprit. « Parfait. Action dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top !» Chapitre 7, troisième partie. La plateforme stationnait à présent au-dessus d'un petit massif montagneux, à la végétation rase et touffue, parsemée de place en place par des bouquets d'arbres aux coloris moirés. « Ils se sont réfugiés là-dessous, dans un complexe souterrain. » pépia l'émir en désignant le sol de sa patte droite. « Tu pourras nous y transporter ?» interrogea la jeune femme. « Sans problème. Je vous emmènerai 2 par 2. »« Arx, peut-être dans les 2 premiers. » Le mulot castor jeta un regard agacé à l'octopode, perçut du coin de l'œil le sourire ironique de Mazas et, haussant ses épaules dodues, décida de ne pas répliquer vertement comme c'était plutôt dans ses habitudes. À la surprise de ses hommes, il se contenta de dire « D'accord, tu accompagneras le robot de combat. » Les multiples yeux clignotèrent de satisfaction et 3 pseudopodes s'emparèrent du pistolet thermique, de la hache de jet et du sabre courbe. Le sergent Tordman observa avec étonnement la vivacité incroyable avec laquelle l'antilan avait exécuté ses 3 gestes, tout en se glissant à proximité de la machine que l'émir comptait téléporter en même temps que lui. Le vieux soldat avait pourtant vu des adversaires de toutes sortes, des spécialistes du combat rapprochés aussi bien que des tireurs d'élite ou des tueurs assoiffés de sang dans sa longue carrière au sein de l'astromarine. Mais celui-ci donnait presque la chair de poule. « On y va ? Mettez-vous par paire, cela me fera gagner du temps. » Le téléporteur saisit un des bras du robot, empoigna un des appendices caoutchouteux que lui tendait Arx, se concentra un instant sur les influx mentaux qui lui parvenaient de la citadelle et, dans un brasillement, tous 3 disparurent. L'absence de l'émir n'excéda pas 10 secondes. Il s'empara de Mazas et de son frère qui, l'instant d'après, se retrouvèrent aux côtés de leurs prédécesseurs dans un couloir chichement éclairé. Sans un mot, l'octopode leur désigna l'extrémité du tunnel d'où provenait une clarté puissante. L'agent du Lord Amiral n'eut pas le temps de lui demander des explications, car il se mit tout de suite en route de sa démarche cahotante dans la direction qu'il venait de lui montrer. Le robot lui emboîta le pas, ses armes destructrices pointées vers la source de lumière. Décidément, il n'a pas changé. Toujours aussi individualiste. S'il travaille un jour avec John, ça va faire des étincelles. Songea-t-elle, tout en faisant signe à Rick de suivre le mouvement, tandis que deux nouveaux combattants télétransportés apparaissaient dans leur dos. Derrière Arx et la machine de guerre, les deux Pavel atteignirent une vaste rotonde qui présentait cinq ouvertures, visiblement l'entrée d'autant de couloirs. Mazas retentit par l'un de ses pseudopodes. Attendons ici que tous les autres nous aient rejoints. Grâce à ses facultés, l'émir pourra nous dire quelle direction prendre sans que nous soyons obligés de nous disperser pour retrouver la Ritilco. L'octopode parut un instant hésiter à poursuivre son chemin, puis il se décida à se rendre aux raisons de la jeune femme. 90 secondes plus tard, la section au grand complet, mis à part le pilote de la plateforme, soit 11 hommes, avait rejoint ceux qui l'attendaient. Le mulot castor se plaça à l'entrée de la rotonde déserte et, fermant les yeux pour mieux se concentrer, utilisa ses sens paranormaux afin de détecter la présence des pirates. S'en perçoivent à trois endroits différents, mais il est vraisemblable que la Ritilco se trouve là où ils sont le plus nombreux. Nous allons donc suivre le deuxième couloir à partir de la droite. Pour cependant éviter d'être pris à revers, le sergent Totsman va laisser quatre soldats qui empêcheront toute sortie des boyaux annexes. Le vieux sous-officier approuva d'un hochement de tête et désigna du doigt ceux qui devaient servir d'arrière-garde. Les hommes se placèrent aussitôt en position de tir face aux ouvertures qui leur avaient été indiquées. Je vais faire un petit tour là-bas. Pendant ce temps, vous vous engagez dans ce passage derrière le robot. L'émir leur adressa un geste de la patte et disparut. Allons-y. Arx n'attendait que cette invitation de Mazas pour reprendre la tête de la petite troupe. Dans le plus grand silence, ils parcoururent une cinquantaine de mètres avant d'atteindre un coude. C'est à cet instant que leur guide métallique s'arrêta subitement. Ses détecteurs venaient de percevoir une présence au-delà de l'angle formé par le couloir. Tous stoppèrent et l'antilan glissa un de ses membres dans la sacoche qui pendait à sa ceinture en retirant un petit miroir qu'il tint au bout de pseudopode jusqu'à le faire légèrement dépasser dans la section du tunnel qui était invisible depuis l'endroit où il se tenait. Sur la minuscule partie réfléchissante, ils purent apercevoir deux gardes, désintégrateurs au point, stationné devant une porte entrouverte d'où promenait un brouhaha de conversation. Les assaillants n'eurent guère à se poser des questions pour savoir quelle serait la suite de leur action, car, depuis le gros ordinateur derrière lequel il avait effectué sa téléportation, le mulot castor s'était mis à jouer. La jeune femme et ses compagnons ne savaient pas ce qu'il faisait exactement, mais le pandémonium qui en découla eut pour résultat de détourner l'attention des deux sentinelles. Celles-ci eurent le temps de tourner le dos à leurs adversaires, pour s'intéresser à ce qui se passait à l'intérieur de l'endroit dont ils étaient censés défendre l'accès. Arx profita aussitôt de l'opportunité qui lui était offerte. Après avoir glissé son pistolet dans sa gaine, il sortit deux étoiles de jet de leur étui. Deux de ses membres caoutchouteux se détendirent. Les petites pièces d'acier partirent silencieusement pour se ficher dans les nuques exposées. Foudroyés, les gardes s'affaissèrent, laissant échapper leurs armes. En quelques foulées, Mazas et ses compagnons rejoignirent les deux corps étendus au sol. Le sergent Johannes Thormann se pencha brièvement en avant et constata la mort des victimes de l'antilan. Hochant la tête, il murmura « Efficace. Ça, c'est sûr. Mais un peu trop à mon goût. On aurait sans doute pu éviter de les tuer. » Arx n'avait cure toutefois des états d'âme du vieux soldat et il pénétra dans la salle qui prolongeait le couloir. Un spectacle de folie l'accueillit. Des meubles et des robots virevoltaient dans les airs, montaient jusqu'au plafond et, reprenant brusquement leur poids conformément aux lois de la gravité, s'écrasaient au sol aux grandes dames des occupants hurlants, attentifs à ne pas se trouver au point de chute des pesants projectiles. À son grand regret, l'octopode n'eut pas l'occasion d'utiliser sa science du combat car nul adversaire n'essaya de se dresser sur son chemin.

Vous pouvez nous retrouver également sur Twitter à twitter.com/l'avenir audio, ainsi que sur Google+, sous Christian Martin. Nous sommes également sur Pinterest à pinterest.com/l'avenir audio. Et voilà, ainsi se termine cette 8e émission de la 2e série. Rappelons enfin que vous retrouverez toutes nos productions audio à l'avenir audio.canablog.com. Merci de votre attention et à bientôt.